Cabinet Legendre, bonjour. Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous avec Monsieur Marc Duchamp. Oui, ce serait pour quand ? Cette semaine, ce serait possible. Cette semaine ? Attendez, je vérifie son emploi du temps. Mercredi, c'est possible. L'après-midi, après 15h. Mercredi après-midi, ça va être difficile pour moi. Sinon, je peux vous proposer vendredi dans l'après-midi. Oui, très bien. 15h30, ça vous irait ? Vendredi à 15h30, c'est parfait. Alors, je vais prendre votre nom. Duviquet. Duviquet ? Duviquet, avec un V, comme Valentin. D-U-V-I-Q-U-E-R. À la fin, c'est Q-U-E-T. Ah, excusez-moi. Alors, je confirme, Monsieur Duviquet, rendez-vous le vendredi 12 juin à 15h30 avec Monsieur Duchamp. Merci. Bonne journée, monsieur. Merci à vous aussi.